Vous écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. L'émission autour de vous avec Laura sur Radio Game Ozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Martin. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va bien et vous ? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh ben, pour me présenter, ce qui me résume le mieux aujourd'hui, on va dire artiste pédagogue, parce que finalement, il y a peut-être 75% de mon emploi du temps qui est pris par des ateliers en direction de jeunes gens et de moins jeunes gens. Et le reste du temps, soit je suis comédien, soit metteur en scène, soit j'écris des pièces. Voilà. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession de comédien ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, je suis dans différentes propositions artistiques, dans différentes compagnies sur Rennes principalement et un peu partout en France aussi. Je travaille, on vient me voir, enfin c'est souvent des contacts, des relations amicales qu'on a avec certaines personnes qui font qu'on est dans certaines propositions. On est un cercle rennais à se connaître pas mal et c'est intéressant. Et voilà, être comédien, c'est se confronter à des textes connus ou inconnus et participer à des propositions qui ne nous appartiennent pas, mais essayer de les rendre les plus intéressantes possibles. Et depuis quand est-ce que vous faites ça ? Depuis quand est-ce que vous êtes comédien professionnel ? Comédien professionnel, on va dire que je fais ça depuis que j'ai 18 ans, depuis que je peux gagner de l'argent avec ce métier-là. Parce qu'en fait, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 8 ans et je me suis jamais arrêté depuis. Et j'ai toujours joué en même temps que je mettais en scène. Et dès que j'ai eu l'occasion, dès que j'avais l'occasion de jouer dans quelque chose, j'y allais. Donc j'ai commencé à 18 ans, on va dire. Et comment est-ce que vous avez découvert cette profession, que c'était possible d'en vivre ? J'ai découvert, comme je l'ai dit là juste avant, quand j'avais 8 ans, je suis allé voir une pièce de théâtre dans la compagnie, dans la troupe de théâtre amateur de Monture-le-Sec, dans les Vosges, qui s'appelle Les Agités, les amateurs joyeux de théâtre. Je suis allé voir un de leurs spectacles et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'y étais en tant que spectateur dans le public et l'année d'après, en fait, je me suis inscrit dans cette troupe amateur. J'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Et en fait, quand j'ai eu 15 ans, je me suis inscrit à... je suis allé au lycée Frédéric Chopin à Nancy en option lourde théâtre. Et c'est là que je me suis dit qu'on pouvait en vivre réellement, qu'en découvrant tout un tas de metteurs en scène, de comédiens, comédiennes, d'auteurs, d'autrices, je me suis dit qu'on pouvait... en faire un métier, et c'est là vraiment que j'ai concrétisé tout ce que j'avais imaginé quand j'étais plus petit, quoi, dès l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers le théâtre ? Comment vous avez découvert ça ? Eh ben, le théâtre en particulier, c'est vraiment ce moment où... c'est ce souvenir que j'en ai, vraiment ce premier souvenir que j'en ai, c'est pendant ce spectacle-là à Monture-le-Sec. Mais après, ce qui me plaît le plus dans le théâtre par rapport au cinéma, c'est que on est vraiment maître de tout ce qu'on fait, du début à la fin de la représentation, et d'autant plus quand on est metteur en scène et comédien. Et c'est ça qui m'a plu, c'est l'instant présent, en fait, avec le public, alors qu'au cinéma, c'est une pellicule, c'est une image fixée sur la pellicule, et du coup, on peut pas refaire... la sanction est pas directe, entre guillemets, avec le public qui nous applaudit ou qui est déçu. Le cinéma, c'est sur la bobine, et ça nous échappe complètement, alors que là, au théâtre, c'est l'instant présent qui m'intéresse, quoi. C'est quoi être comédien pour vous ? Être comédien, c'est être au service d'un texte et d'une vision de la création artistique. Après, quand je dis au service, c'est pas non plus être corvéable à merci. C'est plus entrer dans l'univers du metteur en scène ou de la metteuse en scène qui nous propose un peu sa vision d'une pièce ou d'un spectacle et essayer de faire au mieux pour entrer carrément en osmose avec cette vision-là et rendre le spectacle intelligible et visuel pour les gens et intéressant pour le public qui vient voir, quoi. Et si vous ne deviez décrire la scène qu'en un seul mot, ça serait quoi ? Eh ben, ça serait liberté. Parce que finalement, ce que je trouve intéressant aussi au théâtre, c'est qu'on est obligé de rien, on est libre de tout. Et c'est ça qui m'intéresse le plus et c'est ça que j'essaye d'inculquer aussi aux jeunes gens qui font partie de mes ateliers. C'est que sur scène, on est libre de tout faire. Puisque on incarne un personnage, on peut dire des gros mots, c'est pas nous qui disons les gros mots, c'est le personnage. Donc vous avez tout à fait le droit de le faire. Et comme dans la vie, on est toujours régi par un certain nombre de codes sociaux, de lois qui nous obligent à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Là sur scène, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc oui, si je dois résumer le théâtre en un mot, c'est liberté. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les arts de la scène ? Eh ben là, je suis comédien, mais je suis aussi beaucoup metteur en scène. Et ce qui me plaît le plus dans les arts de la scène, c'est cette espèce de transdisciplinarité où tous les arts se mélangent. On va dire que tous les artifices du théâtre, que ce soit la lumière, la musique, l'éclairage, enfin oui, je l'ai dit, mettre toutes ces choses-là les unes à côté des autres et pouvoir faire un objet artistique intéressant, c'est ça qui m'intéresse le plus sur les arts de la scène, c'est vraiment faire un melting pot de toutes ces choses-là, rencontrer différentes personnes, puisque finalement, mon métier de comédien et mon métier de metteur en scène se limite, entre guillemets, à lire des textes, à donner des intentions, à diriger les comédiennes, les comédiens. Et à un moment donné, il y a le côté technique qui m'échappe. Donc, discuter avec les techniciens lumière, les techniciens son, pour essayer ensemble d'aller vers une pièce et un spectacle intéressant, c'est ça qui me plaît beaucoup, quoi. Ce travail d'équipe, de discussion permanente pour essayer d'avancer vers un but commun un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant que comédien ? J'ai toujours, en tant que comédien, j'ai toujours fait des petits rôles finalement, puisque j'ai toujours aimé être en même temps comédien et metteur en scène. Donc le parcours que j'ai en tant que comédien, c'est dès l'âge de 8 ans, j'ai eu plein de petits rôles, puisque dans beaucoup de pièces de théâtre, il y a toujours des petits rôles pour les enfants qui sont... peut-être des petits rôles, mais en tout cas qui ont souvent un nœud avec l'intrigue. Donc c'est des personnages finalement assez intéressants. Et puis une fois que je suis arrivé au lycée, là on s'est confronté à des textes plus variés. C'est-à-dire que quand j'étais avec les Agités, les amateurs joyeux de théâtre de Montureux-le-Sec, on faisait du vaudeville principalement, des comédies. Et quand je suis arrivé au lycée, on s'est confronté aux tragédies antiques avec Achille, etc. On a vu aussi du texte contemporain comme Juste la fin du monde avec Jean-Luc Lagarce. Et là, c'est une autre approche du théâtre, puisque le texte est plus conséquent et cette trajectoire-là me semblait intéressante parce que j'ai commencé avec la comédie, avec le vaudeville. J'apprécie toujours ça aujourd'hui. J'aime bien monter en tant que metteur en scène. Et en même temps, je suis pas réfractaire au théâtre contemporain. Tous les styles de théâtre, pour moi, se valent. Et on peut monter tout. Et c'est ça que j'aime. La richesse des histoires qu'on peut raconter sur une scène de théâtre. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première pièce dans laquelle vous avez joué ? Dans mon souvenir, c'était pas une pièce, c'était un monologue, et je faisais ça à l'entracte, et ça c'était un monologue de La Godasse. J'étais costumé en clown, et du coup j'avais des énormes chaussures, et je racontais toute une histoire autour de mes chaussures. Vraiment, ça c'est le premier souvenir que j'en ai de la scène. Après, si je remonte encore plus loin, en fait c'est pas un souvenir, mais c'est quand on voit des photos, on se crée des souvenirs. Et là, le souvenir que j'ai, c'est à l'école maternelle, je devais jouer une fourmi. Voilà. Je trouvais ça rigolo. Vous étiez costumé en fourmi ou... Exactement, j'avais un très beau lycra noir. Et là, en reparlant avec vous, eh ben, je me souviens que j'ai incarné également Adélin Pimbleu dans Émilie Jolie. Voilà. C'est plus facile de faire un costume de lapin qu'une fourmi, finalement. Oui, c'est vrai. C'est, ma maman est très douée pour les costumes. Et pour votre première pièce, est-ce que c'était un premier rôle ou un rôle secondaire, le monologue ? Bah là, pour le coup, c'était vraiment un premier rôle, puisque j'étais tout seul à parler, je racontais toute une histoire. C'était assez statique comme façon de faire, mais dans mon souvenir, c'était quelque chose de très drôle, parce que le public riait beaucoup. Ça durait pas trop longtemps, ça devait durer 5-6 minutes à peine, mais je pense que c'était la surprise de voir un enfant de 8 ans proposer ça au moment de l'entracte, costumé de cette manière-là, qui déjà a surpris les gens. Et ensuite, ce qui était raconté, mais vraiment, je m'en souviens plus très bien, mais ça avait l'air drôle, puisque j'ai des souvenirs de rire, quoi. Est-ce qu'il y a un comédien ou une pièce qui vous a marqué et vous a donné envie de devenir comédien à votre tour ? C'est pas forcément la pièce qui m'a donné envie de devenir comédien, mais j'ai un souvenir assez vif d'une représentation au Théâtre de la Manufacture à Nancy d'Edda Gabler, mise en scène par Edda Gabler de Henrik Ibsen. Et en fait... La scénographie et la mise en scène étaient hyper intéressantes. C'était un drame bourgeois un peu où une femme vient de se marier et en fait elle est totalement névrosée. Et en plus il y a son premier amour qui revient dans la ville où elle vient de se marier, etc. Et il y avait une scénographie hyper intéressante faite de rideaux. Et c'était, je pense, une des premières pièces où je voyais autre chose que un décor. C'est-à-dire que Le décor, c'est vraiment salon bourgeois. On va mettre un maximum de choses pour que ça nous fasse penser à un salon bourgeois, mais ce qui est sur scène n'a pas vraiment de sens. Alors que là, quand dans Edda Gabler, c'était aussi un salon bourgeois, mais il n'y avait pas forcément un canapé, machin, etc. Il y avait juste plein de rideaux avec lesquels les comédiennes et les comédiens jouaient pour se cacher, pour jouer un espèce de jeu de cache-cache entre toutes et tous. Et voilà, c'est ça qui m'a marqué et qui m'a fait dire, ah, en plus d'être comédien, d'incarner ce genre de personnage-là, de médecin norvégien, la mise en scène aussi est quelque chose qui m'intéresse. Alors, vous disiez que vous écrivez des pièces, mais c'est quoi ? C'est comique, dramatique ? Qu'est-ce que c'est ? J'en ai écrit quelques-unes, mais les pièces que j'ai pu écrire, il y en a une en particulier, c'est pas du tout comique, quoi, pour le coup. Je m'inspire beaucoup de faits divers un peu dramatiques de ces dernières années. Voilà. En fait, c'est des pièces que j'avais. Alors, c'est ça qui est très drôle, c'est que j'ai toujours voulu écrire, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Et finalement, il y a quelques années, comme tout le monde le sait, nous avons subi un confinement et que nous avions plus de temps de faire de choses. Et c'est là que j'ai pris le temps, on va dire, pour la première fois d'écrire une pièce en bonne et due forme. Et en fait, je me suis inspiré du fait divers de Jean-Claude Roman. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est l'histoire d'un homme qui fait croire à toute sa famille pendant 18 ans, il arrive à faire croire pendant 18 ans qu'il est médecin et qu'il travaille à l'OMS. Et en fait, quand la famille ou la belle famille découvre le poteau rose, découvre qu'il n'est pas du tout médecin, il tue toute sa famille. Donc voilà, ça part de ça. Et j'ai écrit là-dessus. À la folie des hommes n'atteindra jamais son paroxysme, je crois. Bah non, là, c'est pas... Voilà. Et là, dernièrement, enfin voilà, c'est pas une fascination, mais... C'est vraiment, je me demande comment on peut en arriver là en tant qu'être humain, puisque là, il y a ces dernières années, c'était la famille Troadec à Orvault, près de Nantes, qui a été décimée par le beau-frère, voilà. Et en fait, tout commence d'une histoire où ça commence par une histoire au début de la Seconde Guerre mondiale. La Banque de France décide de mettre tout l'or de France aux États-Unis pour la protéger, pour éviter que les nazis mettent la main dessus. Et une légende raconte que il y a un certain nombre de lingots qui sont tombés dans l'eau, dans la rade de Brest. Et ça, c'était un peu la légende de Brest, etc. Tout le monde racontait un peu qu'ils avaient trouvé le trésor. Le grand-père d'une famille, de la famille Troadec, dit « Ah, mais c'est moi sur mon chantier qui ai trouvé le trésor, etc. » Et en fait, c'est tombé dans l'oreille de son gendre qui a vraiment pris cette blague-là pour argent comptant, on va dire. Ça lui est monté à la tête, et il a toujours cru, quand le grand-père est mort, que son beau-frère avait volé ses lingots. Il y a une espèce de chose qui est montée en lui et il a tué toute sa famille pour essayer de récupérer ce lingot là qui n'existe pas du tout, quoi. Et en fait, ce qui me fascine dans ces deux histoires là, dans ces deux faits divers là, c'est que finalement la fiction dépasse totalement la réalité, parce que le personnage de Jean-Claude Roman, enfin la personne de Jean-Claude Roman, s'est inventé toute une histoire de médecin, ce personnage-là, le gendre Troadec, s'est inventé toute cette histoire de lingot qui n'existe pas du tout. Donc je trouve intéressant de travailler là-dessus, de créer des personnages qui parlent de fiction dans le théâtre, etc. etc. D'accord. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de théâtre. On vous laisse avec Jacques, avec son titre Les mots. À tout de suite sur Radio Gémozo. Une dédicace aux atomes dont je suis une formation. Perspicace, ils n'attendent pas que je donne la direction. Ça fuse dans les festos, manifester mon humanité. Ça croustille dans les restos, procrastine tout l'été. Mais quand on me demande ce que je fais dans ma vie, je me le demande aussi. Alors je tourne autour du pot, un peu du père. Je ne peux pas dire que je ne sais pas trop. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, le silence n'est pas un souci. Parce qu'au fond de moi, je sais, mais je ne peux pas le dire avec les mots. Je ne peux pas le dire avec les mots. Je peux pas non plus le dire sans les mots. En synchro avec la team, je m'envole vers de bonnes actions. Dans les sous-sols du système, je croise l'inconnu de l'équation. J'apprends des tricks de pro, m'apprête près des têtes de pro. Aiguiser mon exigence, égaye mon existence. Mais quand on me demande ce que je fais dans la vie, je me le demande aussi. Alors je tourne autour du pot, un peu du père. Je ne peux pas dire que je ne sais pas trop. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, le silence n'est pas un souci. Parce qu'au fond de moi, je sais, mais je ne peux pas le dire avec les mots. Je ne peux pas le dire avec les mots. Je peux pas non plus le dire sans les mots. Je ne peux pas le dire avec les mots. Je peux pas non plus le dire sans les mots. Avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de plus profond qui se déroule en moi. Les choses que tu ne vis pas. Des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur sans demander la permission, qui guide mes pas, m'emmène où je ne suis pas. Avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de plus profond qui se déroule en moi. Des choses que tu ne vis pas. Des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur sans demander la permission, qui guide mes pas, m'emmène où je ne suis pas. Avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de plus profond qui se déroule en moi. Des choses que tu ne vis pas. Des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur sans demander la permission, qui guide mes pas, m'emmène où je ne suis pas. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Martin. Alors merci pour cette petite découverte musicale et le chanteur est très typé. À savoir, pour les auditeurs qui n'ont jamais vu, il a le crâne, le dessus du crâne rasé et les cheveux très longs sur les côtés, un peu à la Louis XIV. Oui, c'est un petit style qui... En fait, il avait expliqué une fois, je crois, en interview que... Il avait envie de se coiffer comme ça, parce que une fois qu'on était passé, qu'on avait parlé un peu de son physique, etc., bah, il pouvait parler d'autre chose, de sa musique. Voilà. Et je trouvais ça, il est plutôt rigolo comme personnage et assez intéressant, puisque ses premiers concerts consistaient à demander au public de venir avec différents objets, des objets assez hétéroclites, et il faisait sa musique à partir de boucles sur lesquelles il tapait, enfin, d'objets sur lesquels il tapait. Voilà. C'était hyper intéressant à voir. Voilà. Et vous avez été le voir beaucoup de fois ou? Et j'ai été le voir une fois dans une, une sorte de grange. Enfin, c'était même pas une grange, c'était un garage perdu vraiment à côté de terrain vague. C'était intéressant aussi comme endroit. J'aime bien ce genre d'endroit. Voilà. Je voulais partager avec vous une citation de Eugène Ionesco qui disait que tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets, il n'y a pas que la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Je suis assez d'accord avec ça, puisque finalement, on peut faire du théâtre sans parler du tout. Le langage est différent de la langue, puisque le langage peut être un langage totalement corporel ou... on a des exemples assez grandioses comme le mime Marceau ou même d'autres exemples comme ça qui me reviennent plus en tête, mais pas besoin de parler pour exprimer les choses sur scène, puisque même je fais un peu de clown aussi depuis un certain temps maintenant, et la plupart du temps la Nathalie Tarlet qui me dirige pendant ses stages de clown me dit: mais Martin, t'as pas besoin de parler, disant le moins possible et ça marchera. Donc je suis assez d'accord avec ce que dit Eugène Ionesco en ce qui concerne le corps et il y avait les objets. Et je suis assez adepte d'un théâtre pauvre, c'est-à-dire d'un théâtre symbolique même, on va dire, de mise en scène symbolique, puisque sur scène, je veux toujours qu'il y ait des choses qui aient du sens véritablement. Pas faire de la déco, mais monter une véritable scénographie avec un sens qui soit au service aussi du texte et des comédiens. Donc, ce que dit Eugène Ionesco, je suis assez d'accord là-dessus. Et une pièce de théâtre, qu'est-ce que c'est ? Une pièce de théâtre, ça peut être tout, finalement. C'est ça qui est intéressant, puisque il y a plein d'autrices, d'auteurs aujourd'hui, et je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que à partir du moment où l'autrice ou l'auteur le fait de manière un peu sincère, avec un peu d'audace, même sans trop savoir ce qu'il ou ce qu'elle fait en écrivant, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à monter. Et puis, si ça nous touche, nous, personnellement, et qu'on arrive à faire passer ce qui nous a touché dans la mise en scène, dans la direction des acteurs, dans le spectacle fini au public, je pense que c'est quelque chose de réussi. Après, une pièce de théâtre, oui, ça peut raconter tout et n'importe quoi, ça peut être très poétique, très dans le fictionnel, en même temps très ancré dans le réel, c'est riche. Tout à l'heure je parlais de liberté avec le théâtre, c'est la liberté, mais du coup les pièces de théâtre c'est la richesse de tout aussi pouvoir faire quoi, et de pouvoir entendre, pouvoir écrire, ouais, une pièce de théâtre c'est énorme quoi. C'est un peu comme un scénario de film finalement, non, l'écriture? Oui, un scénario de film, oui. Après, ça dépend, parce que souvent, à la base, j'ai l'impression que les scénarios de film sont écrits, en tout cas en France, par celles et ceux qui vont le réaliser. Et donc, ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent rendre à l'image à la fin, dans la salle de cinéma. Alors que quand on parle d'une pièce de théâtre, pour le coup, l'autrice ou l'auteur... mais pas forcément en scène ce qu'il a écrit ou ce qu'elle a écrit, et je trouve toujours intéressant de voir plusieurs mises en scène d'un seul et même texte pour voir quelles intentions le metteur en scène ou la metteuse en scène mais dans ce qui est écrit. Ne serait-ce que là, avec j'ai écouté un CD d'une clown et il y avait le texte dans l'objet du CD, enfin dans le livre. Et on l'a lu une première fois, on y a mis nos intentions à nous, on va dire tout ce qu'on, de la manière dont on l'avait, dont on pourrait l'interpréter, dont on l'avait entendu dans notre tête. Et après on a mis le CD et souvent il y avait des différences, et c'était pas forcément des contresens, mais c'était vraiment des intentions différentes, mais qui étaient toujours justes. Donc contrairement à un scénario de cinéma qui est quand même très cadré, la pièce de théâtre, si un metteur en scène ou une metteuse en scène se l'approprie et donne des intentions différentes, des partis pris différents, on voit des spectacles différents. Et c'est d'ailleurs cette chose-là que j'ai mise en place cette année dans un de mes ateliers. J'ai donné le même texte à deux groupes différents, deux groupes du même âge. Ils ont joué, ils ont appris les mêmes textes, etc., etc. Mais au début de l'année, pendant les quatre premières séances, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait approcher, on va dire, le mime, le théâtre d'objets, le théâtre d'ombre et une dernière proposition, une dernière esthétique dont je me souviens plus. Mais ils ont choisi entre les quatre propositions là, les quatre esthétiques là, et on a monté le texte de deux manières différentes, c'est-à-dire qu'un groupe l'a monté en faisant du mime et un autre groupe l'a monté en faisant du théâtre d'ombre. Et même si c'était la même histoire, même si c'était les mêmes émotions, on va dire, comme c'était interprété de deux manières différentes, proposé de deux manières différentes, les parents sont venus voir les deux propositions, et même les enfants, et je leur ai fait vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'un parti pris, et regarder ce qu'on peut faire au théâtre avec un seul et même texte. C'est quoi un souffleur ? Un souffleur ? Eh ben, c'est... Alors, je sais pas si ça existe encore, parce que je pense pas que ça existe encore, mais en tout cas, un souffleur, c'était une personne qui souvent était cachée dans un trou en avant-scène et qui suivait le texte en même temps que la pièce se déroulait. Au cas où une comédienne ou un comédien ait un trou, il soufflait le texte. Souvent, c'était juste les premiers mots, et dès qu'on a les premiers mots de la réplique, on y va, quoi. Mais je sais pas si ça existe encore. En tout cas, si on regarde, il y a une photo là qui est sortie récemment au Théâtre du Peuple pour Cinerano de Bergerac, et on voit un comédien qui joue le Brett, qui est assis sur le trou du souffleur. Donc à mon avis, il y a plus de souffleur au Théâtre du Peuple. Et quand il y en avait, il devait peut-être même connaître le texte mieux que les comédiens. Eh ben ça, c'est vrai que c'est un peu un truc qui est plutôt drôle à constater, c'est-à-dire que à force de répétition très régulière, bon, il faut toujours travailler à la maison son texte, mais à force de répéter sans cesse avec en plus le rythme des uns, des autres, des unes, des autres camarades sur scène, on l'apprend de manière très automatique. Et je pense que le souffleur, comme il est aussi un peu finalement... metteur en scène ou metteuse en scène, puisqu'il sait ce qui va se passer à quel moment, il peut même rappeler ce genre de petites choses techniques. C'est vrai qu'il doit tout connaître par cœur, et limite il s'imprègne du jeu, de la manière de jouer des gens qui sont sur scène. Donc quand il souffle le texte, peut-être qu'il est dans la même énergie, dans la même manière de parler. C'est vrai que ça doit être assez rigolo d'être souffleuse, pardon. Est-ce que vous pensez que le théâtre, ça peut aider une personne timide à l'être moins ? Eh ben, je crois pas vraiment à cette théorie-là. Parce que souvent, c'est vrai que certains parents viennent me voir en disant « Ah, on a inscrit notre enfant au théâtre parce qu'il est timide et on voudrait qu'il soit moins timide. » Et moi, je leur dis « Bah oui, très bien. » Mais souvent, ces personnes-là, ces jeunes gens-là, ou ces gens en général, sont pas du tout à l'aise sur un plateau de théâtre. Il y a peut-être plein de petits exercices qui pourraient les mettre à l'aise, etc. Mais finalement, avec ces personnes-là, je préfère leur dire, est-ce que tu ne préférerais pas, si tu aimes le théâtre, est-ce que tu ne préférerais pas venir avec moi et faire de la mise en scène imaginer l'entrée de ton camarade, ou alors on suit le texte ensemble pendant que les autres sont en train de répéter. Et il y a des moments, je lui dis, est-ce que tu imagines pas là un moment une musique, quelle serait cette musique, ou alors imaginer voilà que donner des espèces de responsabilités et une autonomie aux enfants et aux personnes pour imaginer toutes ces choses-là, cet univers théâtral qui, parce que finalement, c'est pas qu'apprendre un texte et le restituer en fin d'année, faire du théâtre, c'est vraiment imaginer prendre, enfin, oui, c'est ça, avoir un parti pris sur un texte, soit bah faire du théâtre d'ombre. Par exemple, pour le théâtre d'ombre, il y a les manipulateurs et manipulatrices. C'était aussi important pour moi que les gens qui disaient le texte et qui faisaient leur personnage, parce que ils devaient suivre un rythme bien précis. Ils devaient aussi, bah pour le coup, connaître toute la pièce, puisque ils devaient bouger un personnage à un moment précis, un autre personnage. Donc, je pense pas que le théâtre parce que moi, je suis toujours aussi timide depuis que j'en fais. Là, je suis protégé par le micro, le casque et le studio dans lequel je me sens très bien. Mais je pense pas être moins timide qu'avant. Donc, ça peut peut-être aider certaines personnes pour... Parce que c'est ça qui est remarquable aussi dans les ateliers de théâtre amateur, c'est que les gens viennent pour différentes choses. Soit pour passer du bon temps à faire du lien social avec d'autres personnes, découvrir le théâtre, soit ben s'en servir comme décompression en fin de semaine, soit essayer de trouver des petites techniques pour être plus à l'aise en public, mais... être plus à l'aise en public, finalement, que ça soit dans le milieu du professionnel ou ailleurs. À partir du moment où on est devant un public, on joue quelque part, quelque chose. Donc on joue toujours, donc c'est pas enlever sa timidité que jouer. On a tous besoin d'un exutoire, est-ce que le théâtre en est un pour vous ? Bah pas forcément. parce que non, je m'amuse plus qu'autre chose. Après, tout à l'heure, j'ai dit... c'était une grande liberté et du coup je pouvais faire ce que je voulais par rapport à la vie où on est contraint par certains codes sociaux, mais non, c'est vraiment un amusement et j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'amuser dans mon travail et me faire plaisir dans mon travail, donc c'est pas un exutoire parce que il y a d'autres personnes pour qui pour le coup c'est ça, être sur un plateau est beaucoup plus difficile. Pour moi, être sur un plateau, c'est vraiment un grand plaisir et je profite de ce moment-là plus que je me dis « Allez, vas-y, balance tout ce que t'as ». Non, c'est pas trop... Pour moi, c'est pas un exutoire. Pour certaines personnes, peut-être, mais pas pour moi, en tout cas. Est-ce que l'écriture des pièces, ça peut être un petit défouloir aussi, par contre ? Eh ben, j'ai relu, là, récemment, une note que j'avais dans mon téléphone parce que j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre sur 5 femmes qui ont braqué des banques. Ah. Elles n'ont tué personne, mais elles ont braqué des banques. Voilà. Et en fait, c'est vrai que la note, en la relisant aujourd'hui, elle est très violente. Je la trouve extrêmement violente dans la manière dont c'est écrit. Et je ne sais pas si je vais garder ça, mais ça peut être un point de départ d'une des personnages qui parle assez durement de la société qui l'entoure, etc., etc. Mais je pense pas... Il faut pas que, en tant qu'auteur, on apparaisse, je trouve, dans les pièces. Il faut laisser les personnages un peu évoluer seuls, grandir seuls, parce que il faut vraiment faire cette distinction entre auteur, personnage, etc. Parce que tout ce que disent les personnages sont pas forcément ce que pense l'auteur et inversement, quoi. Dans quelles conditions est-ce que vous écrivez des pièces ? Est-ce que vous préférez travailler dans le silence ou dans le bruit ? Eh bien, je préfère travailler dans le silence. ma compagne me dit souvent, c'est un peu monacal chez nous, voilà, si vous voulez tout savoir. Et donc, oui, après ça, c'est vraiment... oui, non, j'arrive pas à me concentrer autrement que quand c'est hyper silencieux. Donc finalement, j'écris pas beaucoup, puisque plus rien n'est silencieux aujourd'hui. Il y a les mouches en ce moment. Voilà, il y a des mouches, il y a toujours des travaux. L'été, il y a des travaux. Enfin, non, voilà. Hormis les faits divers, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire les pièces ? c'est toujours des... c'est les faits historiques. Par exemple, il y a quelques années, juste à côté de Montureux-le-Sec, au château de Tuilière, il y a au château, on agrémentait les visites guidées par des petites scénettes que j'avais écrites. Et là, bah, c'est des faits historiques. En gros, je regarde qui étaient les personnes de l'époque du château et j'emprunte les noms pour m'inventer des petites fictions, quoi. C'est plus que de faire des choses très très historiques. Ça peut partir très vite dans l'imaginaire, parce qu'à un moment donné, on était dans le grenier et en fait, c'était l'architecte du château qui n'avait plus d'inspiration, et d'un coup il y a un espèce d'orage, et là il y a deux muses qui sortent du noir et qui viennent lui redonner l'inspiration. Donc voilà, c'est plus je pars peut-être de faits historiques très précis pour laisser divaguer mon imagination. C'est quoi un metteur en scène? Eh bien, metteur en scène, finalement, c'est un peu comme un chef d'orchestre pour les gros orchestres, c'est-à-dire que il faut qu'il pense à tout. Que ce soit la musique, que ce soit les lumières, que ce soit le parti pris. Quand je dis parti pris de mise en scène, c'est que il a une idée assez précise de ce qu'il voudrait au final voir sur scène, et donc il essaye de mettre tout de se donner tous les moyens d'arriver à ce qu'il voudrait. En discutant beaucoup avec les différents techniciens et en dirigeant d'une certaine manière, en amenant d'une certaine manière les comédiens et comédiennes à ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Et du coup, oui, c'est ça. J'avais rencontré un metteur en scène qui avait dit que finalement, le metteur en scène ne fait que trouver des solutions à des problèmes qu'il s'est lui-même créé. Et je trouvais ça assez juste, parce que on peut être genre hyper touché par un texte, dans une certaine énergie pour monter un texte, et se rendre compte que au plateau, sur scène, on va peut-être pas, c'est pas si évident. Donc à nous de trouver des petites astuces, des petites solutions. Mais c'est ça qui est toujours, c'est hyper ludique en fait, je trouve, d'essayer de trouver ça. Donc oui, le metteur en scène est là pour essayer de créer une espèce d'osmose entre toutes ces choses-là pour que ça rende quelque chose de... Voilà quoi, faut pas qu'on vole le temps aux gens qui viennent voir le théâtre. Quel est, selon vous, le plus grand metteur en scène? Waouh. Alors, un grand metteur en scène... vivant, je dirais, pour le coup, je dirais Julien Gosselin, qui est un metteur en scène originaire de Lille, et qui a une compagnie de théâtre qui s'appelle Si vous pouviez lécher mon cœur. Et en fait, il est grand metteur en scène autant dans sa façon de faire du théâtre que dans les pièces qu'il monte, puisque il a monté une pièce qui s'appelait 2666, qui était tirée d'un roman de 1000 pages et qui durait en fait 12 heures. Il y avait et donc c'était hyper c'était une vraie expérience. En plus, ça se passait au Mexique, donc ce que j'ai trouvé hyper cool, il l'avait créé au théâtre de Valenciennes, et pendant les entractes, il y avait 5 parties, comme les 5 parties du roman, c'était très linéaire pour le coup. Et en fait, entre chaque entracte, on mangeait des choses comme si on était au Mexique, quoi. Et je trouve que l'expérience humaine de traverser ça était hyper intéressante, dramaturgiquement et même de manière, on est traversé par 1000 émotions, tous les artifices qu'il utilise nous éprouvent, nous spectateurs et spectatrices, et on vit vraiment une expérience qui est hyper intéressante. Et 12 heures de représentation, faut être motivé, faut peut-être prendre un jour de vacances après, non? oui, c'est vrai que après, en plus, c'était assez, ça a terminé à 23 heures, donc finalement, on a commencé le matin. Ça fait un peu plus, ça fait 13 heures, mais on a commencé à 10 heures le matin, et je trouvais hyper agréable d'aller au théâtre le matin. Voilà, c'est pas banal, et du coup je trouvais intéressant d'aller au théâtre le matin. Bah, et puis voilà, qui est encore vivant, je dirais lui, après je sais pas trop. 12 heures de représentation, c'est un peu comme les opéras, je crois que c'est en moyenne 8 heures, je crois. Ouais, il y a une espèce de tendance dans le milieu culturel et artistique ces dernières années à faire des espèces de grandes épopées comme ça, parfois plus ou moins réussies. Je trouve que Julien Gosselin le réussit toujours assez bien. Mais et là, on est en train de revenir à des choses où ça dure une heure et on est content d'aller au théâtre en se disant « Ah, super, ça ne dure qu'une heure !» Mais quand c'est bien fait, le tout premier spectacle de Julien Gosselin que j'avais vu, ça durait 4 heures. C'était tiré des Particules élémentaires de Michel Houellebecq et les 4 heures étaient passées, mais on les avait pas vues. Donc c'est ça, à partir du moment où... c'est réussi à partir du moment où on voit pas le temps passer et on se dit « Ah !» On aurait aimé rester encore plus longtemps parce que c'était hyper intéressant de voir ça. Quoi. Vous allez bientôt animer un stage de théâtre dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec du jeune public ? Eh ben ça, en fait, c'est parce que j'ai commencé le théâtre quand j'avais 8 ans, que j'ai beaucoup apprécié ça et je me suis dit que j'apprenais chaque année des choses de plus en plus de techniques, on va dire, même avec... beaucoup au lycée aussi, beaucoup pendant les stages que je fais, que ce soit du stage de clown ou même quand je peux analyser ma pratique en tant que comédien dans différentes propositions de mes camarades. J'essaye au maximum de transmettre ça au jeune public parce que finalement, nous ne sommes que de passage. et je me dis que le théâtre existe depuis 2000 ans, donc c'est qu'il y a bien une raison. Donc j'essaye d'être passeur de cette chose-là qui m'anime depuis toujours. Donc c'est ça qui me plaît. Et je pense que j'essaie au maximum, en tout cas dans mes ateliers, de désacraliser cette espèce de chose qu'il peut y avoir autour du théâtre, autour de l'art en général, pour leur dire, regardez, on fait plein de petits jeux, ils s'amusent vachement bien pendant les petits jeux, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression qu'ils me donnent. Et je leur dis, bon, là, en fait, on a fait du théâtre, quoi. Et ils ont fait, ah ouais, d'accord, et tout. Et une fois qu'ils ont pratiqué cette chose-là, ce petit jeu-là, on est un peu en retour d'analyse en se disant bon alors là qu'est-ce qui s'est passé, finalement vous avez fait ça et au théâtre ça s'appelle comme ça, c'est des mots très savants mais finalement on le fait tous les jours, même quand on joue à la poupée ou quand on joue à différents jeux avec des Playmobil, on fait du théâtre pour moi. Voilà. Par exemple, je repense à Massimo Furlan qui a mis en scène Sévi 82, qui en fait avec une troupe d'amateurs fait une espèce de chorégraphie tirée du match de foot entre la France-Allemagne en 82, où il y a eu cette espèce de faute là du gardien allemand. Et en fait, Massimo Furlan me racontait que quand il était petit et qu'il refaisait les matchs dans sa chambre et qu'il s'imaginait dans le stade et tout, il disait « Mais je faisais du théâtre, là, en fait. » Donc, faire du théâtre, c'est même s'imaginer dans notre chambre à... Oui, voilà, même s'imaginer à faire du pain, c'est faire du théâtre. Ouais. Et c'est pas difficile de diriger des jeunes d'âge différents ? Ça peut être... difficile, mais j'essaie au maximum de mélanger les âges et de faire peut-être dans le groupe des sous-groupes qui où tous les âges sont mélangés et forcément suivant l'âge la demande est pas forcément la même et la manière d'appréhender l'atelier est pas forcément le même. Si ça fait un certain nombre d'années que les personnes plus grandes sont là, ils voient un peu ce qui va se passer dans l'atelier, donc finalement je leur laisse beaucoup d'autonomie et de responsabilité avec des plus petits peut-être et c'est ça qui m'intéresse aussi de ce flambeau là, cette chose qu'on doit passer se fait aussi de cette manière là et je pense que après tout le monde a sa place peu importe l'âge puisque il y a certaines personnes parfois qui certains jeunes gens qui sont jeunes mais qui devant la pureté de leur âme ne sont pas encore pollués par tout ce qu'on voit en tant qu'adulte et du coup nous apportent énormément de choses aussi c'est souvent les stages des moments de remise en question sur ma façon de travailler aussi parce que on est sans cesse bousculé par la jeunesse qui arrive et je trouve ça intéressant. D'accord, nous allons faire deux pauses musicales avant de parler d'un certain stage de théâtre. On vous laisse avec Lafayette et Chila, Bianca Costa, Davignor, La Juice et Vika Air. Oui. Oh yeah. On se retrouvera juste après sur le 107. J'ose pas te le dire, mais je pourrais te souffler, Nina. C'est agréable quand je passe la main. Je ne sais pas si ça te fera plaisir, mais c'est tes petits bas en satin. T'avais laissé là un matin. Pas trop comment te le dire, mais c'était petit bas au satin. T'avais laissé choix près de mon lit. J'ai essayé après mon bain, qui m'ont finalement fait découvrir de souffler. Nina. Écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. Je suis pas d'abord, toujours clean, j'ai trop la code. J'fais du sale mais j'fais ça propre. La petite à personne dans le rap, je suis la baronne, j'ai crié ton daron, j'ai kiffé ta daronne, bitch. Tu l'attrapes maman, donc t'es mon fils. Numéro 1, t'es numéro 10. Trop de faux dans ma tête, on est 10. Crois pas qu'on est bitch, j'ai cramé ton fils. Bitch, bitch, bitch. Mon dieu, je suis condamné à mourir riche. Ici, ça drop, ça flex. Double zéro à Paris. T'as la rage comme mon ex. Ici, ça drop, ça flex. De Paris à Libreville. Ici, on compte les espèces. Vie. On est pyro, comme chez qui n'a rien qu'on brûle tout. Bars, on en a des kilos. Mais bon, à skip, ça fait pas tout. Sous-côté, mais je suis dans le top 10. J'ai ce que je vaux, j'ai les capacités. Font ami, ami sur le Netflix. Et par chinois, quand il faut te citer, j'ai pas besoin qu'ils me plébiscitent. J'ai qui et qui, donc ils m'aiment me suivre. Tu me verras jamais dans des bizarres. Toujours en team, toujours en équipe. Derrière mon dos, sont là comme le dossard. Je dois toujours en faire plus. On fout la merde, ton paradis sur Mars. Comme ça qu'on exécute. Je suis dans le rap quand je veux, je flex. Passe partout comme le 4-4. La DT haute, pas de complexe. Dans le 4 car sont mangés. J'arrive avec la fougue, le flow, ils sont en danger. L'avenir sera radieux si tout se passe bien, on passe en radio. Je suis dans la cuisine, je whip, j'ai le flow et la technique. Oh, that's right. Je rebondis sur le kick. Quand on déboule en équipe, je les vois tous qui paniquent. Oh, dans tes yeux, je veux que tu flippes. Ah, oh, ici ça drip, ça flex. Ah, oh, double zéro à Paris. Ah, oh, t'as la rage comme mon ex. Ah, oh, oh, oh, oh, ah, oh, ici ça drip, ça flex. Ah, oh, de Paris à Libreville. Ah, oh, ici on compte les espèces. Ah, oh, oh, oh, oh, bye. Ça fait dans mon regard. Asséché mes larmes. Les roubailles, les voiles ferrées. Nice mon yalis, mon cœur. Ici ça drip, ça flex. Ah, oh, comme mon ex. Ah, oh, oh, oh, oh, ah, oh. Ici ça drip, ça flex. Ah, oh, de Paris à Libreville. Ah, oh, ici on compte les espèces. Ah, oh, oh, oh, oh, ah, oh. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Martin. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de brancher leur autoradio ou leur transistor sur le 107. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Martin? Depuis Jacques. Oui. Et ben en fait Jacques au tout début il dit je sais quand on me demande ce que je fais je sais pas trop quoi répondre etc avec les mots et je trouve que ça va assez bien parfois avec ce que je peux faire puisque c'est enfin en tout cas moi en tant que personne je trouve assez riche et ces journées que je fais où je me lève le matin et je prépare un atelier, après je vais en répétition sur un texte, après je fais un peu la même chose que vous puisque j'ai aussi un podcast qui s'appelle Émerdre qui est consacré au spectacle vivant et je vais interviewer et quand je rentre le soir et que je suis fatigué, je sais pourquoi je suis fatigué, et cette richesse-là, donc quand les gens me posent la question de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, il y a des moments où je sais pas trop quoi répondre, mais c'est pas très grave, parce que voilà, comme dirait Jacques dans sa chanson, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là, et puis avec les mots, ça traverse un peu les trois chansons que j'ai choisies, puisque c'est trois chansons en français, et l'importance du texte pour moi est assez primordiale au théâtre. Donc de comprendre ce qu'on écoute, c'est très cool. Et même si la dernière chanson est un rap, je pense que le rap est une forme de poésie aussi. Tout comme peut l'être une pièce en alexandrin, c'est-à-dire que quand on arrive au début d'un spectacle et que le rythme de l'alexandrin est différent de celui dans lequel on est tous les jours et dans lequel on entend les autres personnes, à partir du moment où on accepte ce rythme-là, on peut entrer dans la pièce et comprendre toute la pièce. Et je trouve que pour moi, le rap, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte les rythmes, surtout que là, en plus, il y a 5 rappeuses différentes et souvent, c'est 5 flows différents. Donc, faut s'adapter un peu à ce qu'on entend, mais c'est tout aussi poétique. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Et les dessous féminins, c'est parce que de Lafayette, c'est parce que ça fait quelques mois maintenant qu'avec un camarade Julien de Rennes, je fais du drag queen aussi. Et voilà, je trouvais ça marrant de mettre les dessous féminins. D'accord. Voilà. À partir de la semaine prochaine, va se dérouler un stage de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh ben, j'ai constaté que, en fait, tout au long de l'année, je fais des ateliers de théâtre et finalement, mis bout à bout, toutes mes heures de théâtre faisaient une semaine de stage, quoi, entier, quoi. Si... Et ce que je veux dire, c'est que c'était une heure par semaine, j'ai 32 semaines dans l'année d'atelier. Donc, si on met tout ça bout à bout, ça fait 32 heures et sur une semaine, voilà. Donc, je me suis dit, bah, en fait, je pense que t'es tout à fait capable de monter en atelier un stage complet sur une semaine. Et c'est ce que je propose depuis maintenant 3-4 ans à Montureux-le-Sec, dans mon village natal, là où j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'avais envie de proposer ça aux jeunes gens de mon village pour leur dire bon bah voilà, pendant les vacances il y a les centres aérés, il y a Frépertuicity, il y a aussi le théâtre qui peut être quelque chose d'hyper amusant et hyper intéressant à faire. Et ces trois dernières années, j'ai fait beaucoup d'improvisation, c'est-à-dire que ils étaient entièrement créateurs et créatrices de leur spectacle, c'est-à-dire que c'est eux qui imaginaient l'histoire, c'est eux qui imaginaient les personnages de cette histoire, c'est eux qui imaginaient les répliques, etc., etc. Et à partir d'improvisation, c'est-à-dire que le premier jour, on faisait plein de petits exercices pour leur donner un peu les codes de l'improvisation, parce que finalement, il n'y a rien de plus difficile que d'improviser. Il faut cadrer vraiment la chose pour que ça parte pas dans n'importe quel sens, ça parte pas n'importe où. Et ce que je faisais, c'est que je prenais un peu le schéma narratif, le squelette du conte, avec début, éléments perturbateurs, péripéties, résolution du problème et situation finale. Et en fait, on remplissait ces différentes cases-là avec des histoires qui s'inventaient, avec des personnages qui s'inventaient. Et une fois qu'on avait toutes ces situations-là, on les jouait sur scène. Ils les jouaient et elles les jouaient sur scène. Elles les improvisaient avec ce canevas-là, cette base-là. Et c'est eux qui inventaient les répliques et qui inventaient l'histoire. Et à partir du moment où on avait toutes ces répliques, toute cette histoire, on réfléchissait à ce qu'on pouvait y mettre comme musique. Enfin, ils réfléchissaient à ce qu'ils pouvaient y mettre comme musique, à quel costume on mettait, quelle lumière on pouvait imaginer, etc., etc. Donc, j'aime bien dans mes ateliers que, oui, soient actrices et acteurs, créatrices et créateurs, quoi, de leur propre spectacle. Et là, en fait, cette année, il y a une nouveauté, on va dire, c'est que on va plus du tout faire d'improvisation, comme je l'ai dit là il y a quelques minutes. Pour moi, le texte est primordial au théâtre. Tout est dans le texte, en fait. Il y a rien à ajouter de plus que ce qu'on comprend et ce qui est écrit. Je vais leur proposer un texte qu'on va lire ensemble. Enfin, c'est plus des extraits de texte, un montage de texte que j'ai fait pour que ça soit pas non plus hyper long. Et tous ces extraits-là, une fois que ils auront vu ce qui était écrit, je vais leur demander qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on comprend et qu'est-ce qu'on en fait. Et du coup, une fois qu'ils auront un peu les enjeux des différentes scènes, qu'ils auront le sens pour eux de ce qui est écrit, on essaiera de mettre en scène de manière in situ, c'est-à-dire dans l'environnement qui nous entoure. Donc on choisira une place ou même un morceau de forêt ou des marches ou je sais pas ce qu'ils veulent pour monter la pièce, quoi, ce qui leur semble le plus de sens, monter la pièce de cette manière là et ça se fera en lecture, qui est aussi une discipline assez intéressante du théâtre, parce qu'il y a plein de lectures théâtralisées où ce n'est pas forcément que lire un texte de manière linéaire en s'adressant au spectateur. Là, c'est y mettre un peu plus de verve et d'intention. Et on arrivera à cette lecture-là aussi à voix haute par différentes techniques de prise de parole en public. Voilà. Et est-ce que le théâtre, ça permet aussi d'avoir une meilleure élocution, de moduler sa voix, par exemple? Et ben là, pour le coup, de manière très technique, je pense que oui. Parce que c'est vrai que j'ai des souvenirs de stages ou de choses comme ça où on faisait énormément de travail technique sur le souffle, sur avoir une bonne position, etc., etc., jusqu'à ce que en fait on soit limite fatigué et un peu en avoir marre de ce truc très technique, parce que au bout d'un moment, la technique ça va, on a envie de faire du théâtre, quoi. Mais en fait, de pousser un peu dans cette technique-là, au bout d'un moment, elle devient assez automatique. Donc, dès qu'on commence à lire quelque chose ou dès qu'on est dans une position de prise de parole en public, bah, de manière très automatique, on a tous ces gestes-là, toutes ces choses techniques-là qui se mettent en place. Comme quand on conduit une voiture et qu'on passe le permis, au début, ça nous semble un peu difficile de tout gérer. Et ben là, finalement, au théâtre, toutes ces choses techniques-là, on n'y pense plus. Et c'est là qu'on est, je trouve, un peu mieux que quelqu'un qui n'a pas forcément de technique, quoi. Et ça se passera où, ce stage ? À Montureux-le-Sec. C'est au foyer rural de Montureux-le-Sec, qui est route de Tuilières. D'accord. C'est dans la salle Saint-Martin. Et en fait, c'est ça qui est bien à Montureux-le-Sec. C'est qu'il y a une petite salle dans laquelle on est, dans un premier temps, pour commencer à répéter, enfin, commencer à voir le texte, à se mettre en place ensemble, à créer une osmose, une vraie cohésion de groupe, puisque... Je trouve ça aussi intéressant au théâtre de créer un esprit de troupe. Et ensuite, il y a une plus grande salle à côté sur laquelle il y a la scène où souvent les gens jouent. Mais là, comme je l'ai dit, on va jouer in situ, c'est-à-dire on va faire une sorte de théâtre paysage. Le paysage sera vraiment un élément fort de ce qu'on va proposer à l'issue du stage. Est-ce qu'il y aura des âges limites pour le stage ? C'est vrai que tout à l'heure, je disais que c'était pas forcément difficile de mélanger les âges, etc. Mais c'est vrai que je pense que jusqu'à 13-14 ans, on peut encore s'amuser avec des jeunes enfants de 7-10 ans. Mais au-delà, on commence à être un peu dans un truc d'adolescence où on a envie d'être un peu plus grand, de fréquenter des gens peut-être plus grands. Donc, ça s'arrête à 14 ans, quoi. Et combien de places y aurait disponible pour le stage ? Eh ben, mes ateliers sont souvent limités à 12 personnes, donc on peut aller jusqu'à 12 personnes. D'accord. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Et du coup, il faut réserver pour participer ? Oui, vous pouvez, pour avoir des informations, pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à Martin Poirot, en minuscule tout attaché, @yahoo.fr. Et sinon, vous pouvez m'appeler sur mon téléphone, c'est 06 89... 45 72 21 pour avoir des informations et puis pour que je vous envoie les bulletins d'inscription avec plaisir. Et le prix du stage pour la semaine, ça serait combien ? C'est 180€ la semaine. Et est-ce que vous avez prévu d'autres choses après le stage, vous, en tant que comédien ou pas ? Eh ben, je vais à partir de la semaine du 28 août, comme c'est un peu la rentrée et que on est sur un rythme scolaire avec les ateliers, il y a énormément de réunions pour mettre en place les différentes personnes, enfin les différentes listes d'ateliers, etc. Et puis également une proposition artistique qui m'a été faite par une amie de jouer dans une pièce qu'elle a écrite elle qui s'appelle Pierre-Paul Jacques et je joue et elle m'a proposé un rôle et en plus de me proposer ce rôle là elle m'a proposé la mise en scène donc je pense que le projet sera montrable on va dire à partir du mois de mars. Et c'est Noémie Malherbe qui a écrit la pièce. Et c'est avec elle aussi que j'avais envie d'écrire sur le gang des Amazones, le fait divers des femmes qui braquent des banques. Est-ce que vous avez des futurs projets à long terme ou pas ? Eh ben, avec ma camarade Noémie Malherbe, mon amie aussi, on va certainement monter une compagnie de théâtre. Ça va s'appeler Moderato Contabile. Et en fait, c'est en référence à Marguerite Duras, hein, au nouveau roman, etc., où il y a quelque chose de très épuré dans son écriture, comme un peu ce que je peux faire dans mes mises en scène. Et en même temps, moderato cantabile, ça veut dire aussi joue-la tranquille, quoi. Et c'est un peu comme ça que je mène mes ateliers et que je mène mes mises en scène. Ça me fait assez plaisir quand on part des répétitions que je peux mener et qu'on me dit « Ah, c'est bien avec toi, on n'est pas stressé, on sait qu'il y a des enjeux, mais on est bien, quoi. » Voilà, simplement. Et oui, et puis en fait, bah, sur le long terme, monter une compagnie de théâtre, c'est aussi créer d'autres ateliers ailleurs. J'avais commencé à monter un atelier pendant un an d'improvisation. Il y avait 15 inscrits, et en fait, au fur et à mesure de l'année, ça s'écrème un peu automatiquement pour ceux qui venaient chercher autre chose que ce que je proposais, ceux qui avaient peut-être d'autres obligations le soir. Mais il y avait toujours eu un noyau dur de 6-7 personnes qui étaient là vraiment chaque semaine, et je quitte l'endroit où je faisais cette improvisation, j'en ai parlé aux gens, et tout de suite ils ont dit « Ah là là, mais il faut qu'on trouve un autre endroit pour faire ça », donc ça peut être profiter de la compagnie pour chercher un lieu et créer vraiment cette troupe d'improvisation-là. Ça peut être... Enfin voilà, c'est différentes choses-là. Par exemple, l'année prochaine, j'aime beaucoup m'inscrire dans des événements nationaux, par exemple les Nuits de la Lecture, que je fais depuis 2-3 ans maintenant, et chaque année c'est un thème différent, et cette année c'est le corps, et c'est hyper riche en textes. Le journal d'un corps de Daniel Pénac, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint beaucoup aussi Lafayette avec mes dessous féminins, c'est qu'est-ce qu'un corps masculin aujourd'hui, qu'est-ce que la virilité, etc. Et je trouve intéressant de faire un montage de ces textes-là sur le corps pour les lire pendant un moment, pendant les nuits de la lecture. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, de propositions j'aime bien faire des one-shots sur les propositions artistiques, quoi. Genre, on sait que ça c'est pour les nuits de la lecture, et puis on passe à autre chose juste après. Par exemple, le printemps des poètes également, enfin voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui. Du coup, j'ai un Instagram qui est plus accessible que mon Facebook, je pense. Et là, c'est vraiment... vous pouvez voir sur mon Instagram, c'est Martin Poirot. Et vous pouvez voir les interviews que je fais de différents artistes, metteuses en scène, metteurs en scène, comédiens, comédiennes. Ça s'appelle Émerdre, le podcast. Et vous pouvez voir aussi des photos des ateliers de temps en temps que je mène. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? La grande question. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Je sais pas. La santé, la joie, le bonheur, des licornes, des arcs-en-ciel. La santé, c'est pas mal. La joie aussi, ça va. Le bonheur, c'est pas mal aussi. Mais les licornes et tout, pourquoi pas. De la réussite aussi. Ouais, la réussite. Je sais pas. Je trouve que ne rien changer à ce que j'ai déjà là maintenant, mais encore en mieux, quoi. Mm-hmm. Parce que je suis pas malheureux du tout, bien au contraire. Et j'ai envie que ça continue comme ça, encore mieux. C'est tout. Je suis bien dans ma vie. Super. Cette émission est maintenant terminée. Martin, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité à Radio Gémozo. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Ah oui, carrément. J'ai cru que vous disiez ça aux auditrices, aux auditeurs, et du coup, j'étais ailleurs. Mais oui, je reviendrai vous voir avec plaisir, parce que c'est un très beau studio, vraiment. J'aime beaucoup. Oui, c'est Stéphane Plaza qui est venu décorer. Et c'est tout neuf, vous avez des micros tout neufs. Ouais, ça c'est assez récent, la table aussi est récente. Oui, j'ai vu. J'espère également que de nombreux jeunes de 7 à 14 ans participeront au stage de théâtre que vous proposez du 22 au 27 août à Montureux-le-Sec. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura, bye tout le monde.